jusqu'à leurs pieds, jusqu'à leurs pieds, jusqu'à leurs pieds, et se fatiguer. Ventre, oreille, coude, genou, nous les enfants, on touche à tout. Mais les pieds, c'est pas facile, il faut être super agile. Mais les pieds, c'est pas facile, il faut être hyper agile. Et nous les enfants, on peut y arriver. Jusqu'à leurs pieds et se fatiguer, oh, se fatiguer. Oh, oh. Dos, épaules, mollets, poitrine, la gym ça donne bonne mine. Mais les pieds, c'est pas facile, il faut être super agile. Mais les pieds, c'est pas facile, il faut être hyper agile. Et nous les enfants, on peut y arriver. On est bien plus doués que les parents qui doivent se pencher jusqu'à leurs pieds et se fatiguer. Genoux, dos, mains, épaules. Oh, je sais plus, moi.